Jalousie par Frédéric Boutet. Dans son petit salon, assise auprès de la fenêtre ouverte sur le parc Monceau ensoleillé, Geneviève Allorge écrivait avant de sortir quelques lettres lorsqu'il eut un coup de sonnette. « C'est Madame Allouin, » vint dire la femme de chambre. Geneviève Allorge se leva pour accueillir une jeune femme élégante qui entra vite dans le salon. « Bonjour Diane, » lui dit-elle. « Je suis contente de te voir. Je ne t'attendais pas cet après-midi. » La visiteuse, petite, mince, blonde, d'une grâce élégante et parée, n'avait rien de la fière déesse dont elle portait le nom, lequel eût mieux convenu à la belle et classique Geneviève. Les deux jeunes femmes s'embrassèrent. Elles avaient été camarades de lycée, elles s'étaient mariées presque en même temps. Diane par amour, Geneviève sans amour. Et maintenant que Geneviève, veuve depuis 2 ans, vivait seule, elle voyait beaucoup le ménage à loin. « Je ne te dérange pas ?» dit Diane, qui avait eu un regard rapide vers la table aux lettres commencées. « J'ai des choses à te dire, Geneviève. » Elle parlait nerveusement et semblait en proie à une agitation contenue qui animait, sous le fard léger, ses joues et brillait dans ses beaux yeux. « Tu ne me déranges jamais. Tu le sais bien, ma petite Diane, » dit Geneviève qui l'observait. « Mais qu'y a-t-il ? Tu sembles tout émue. » « Geneviève, personne ne peut nous entendre. J'ai quelque chose d'affreux à te raconter. J'ai besoin que tu me conseilles. Je suis si malheureuse. Tu es mon amie, ma meilleure amie, ma seule amie. Mais qu'y a-t-il ? Tu me fais peur. Geneviève, Geneviève, Georges ne m'aime plus. Il me trahit. » Geneviève sursauta. « Ton mari te trahit. Il ne t'aime plus, mais... Voyons, Diane, je suis sûre de ce que je dis. Georges me trahit, je le sais. » Elle fit une pause. Elle ne pleurait pas. Haletante, les mains serrées l'une dans l'autre, elle fixait ses yeux, dilatés par l'émoi, sur le visage de son amie. « Voyons, Diane, » dit celle-ci, « tes soupçons sont certainement injustifiés, ton mari. Il ne m'aime plus, je te dis. Il a une maîtresse. J'ai commencé à sentir cela il y a longtemps, presque un an. À présent, j'ai la certitude, j'ai des preuves. »« Tu as des preuves ? Quelles preuves ? Je vais te les dire. Je vais tout te dire. Je vais te dire le nom de celle avec qui il me trompe, » dit Diane violemment. Geneviève garda le silence. « Geneviève, » reprit Diane d'une voix saccadée, « en entrant ici, je n'étais pas décidée à te raconter tout mon malheur. C'est si affreux, si humiliant pour moi. Je voulais te parler seulement de l'actuelle liaison de Georges. Mais il vaut mieux que tu saches tout, pour me conseiller. Je suis sûre de toi, Geneviève. Je sais que je peux compter sur ta discrétion. Tu me jures le secret, n'est-ce pas ? Mais oui, parle. Écoute, mon mari m'a toujours trompée. Nous sommes mariés depuis 6 ans, eh bien, il me trompe depuis 6 ans. Si tu savais ce que j'ai souffert. Il avait des maîtresses du temps de nos fiançailles. Il n'a jamais cessé d'en avoir depuis. Des femmes de toutes sortes, des femmes du monde, des femmes de dancing, des passantes de la rue. Des aventures banales, qui n'avaient même pas l'excuse de l'amour, qui duraient quelques jours, quelques semaines, se succédaient, s'entrecroisaient. Georges me l'avouait lui-même, dans un moment de franchise. Il ne peut pas voir une femme sans avoir un caprice pour elle, sans désirer qu'elle lui cède. C'est une collection comme une autre. » Elle s'interrompit avec un rire âpre, tamponna ses yeux secs. « Tu me stupéfies, » articula lentement Geneviève, qui, assise en face de Diane, l'avait écoutée, immobile, les yeux baissés. « Tu me stupéfies, Georges Allouin, lui qui semble si sincère, si net, si réservé, si différent des... de ses basses aventures faciles. Alors il serait cela ? Il cache son jeu. Oui, il a une attitude d'homme délicat, réservé, grave. Je sais, il en joue. Mais en réalité, ah, quelle réalité ! Alors, tu peux t'imaginer ce qu'a été ma vie auprès de lui ? J'ai patienté, je l'aimais. Je pensais qu'il se lasserait de ses plaisirs vulgaires, qu'il changerait, me serait enfin fidèle. J'essayais de me dire que ses caprices étaient sans importance, qu'il m'aimait malgré tout. Mais maintenant, je suis plus malheureuse que jamais, car il n'a plus, depuis des mois, qu'une liaison, oui, une seule, et qui dure, et qui est sérieuse, et qui l'absorbe de plus en plus. Et Geneviève, sais-tu avec qui ? Avec Lily Bergerie, la danseuse du Paradis Bleu. Mais comment as-tu appris ? Il y a un mois, j'étais au théâtre. Cette fille a passé près de ma loge et j'ai entendu un spectateur dire à un autre, « Oui, c'est Lily Bergerie, elle est maintenant avec Georges Allouin. » Cela réunit tous les soupçons que j'avais déjà. Et cette nuit-là, vois-tu, Geneviève, Georges n'est pas rentré. Il n'avait jamais fait cela. Il est rentré seulement ce matin. Il a prétendu qu'il avait passé la nuit au jeu. C'est faux. Il n'a jamais été joueur. Nous avons eu une scène violente. J'ai peur qu'il me quitte pour cette fille. Il aime. Je sens que celle-là, il l'aime. Que dois-je faire, Geneviève? Je suis folle de chagrin. Conseille-moi. Que dois-je faire? Geneviève ne répondit pas tout de suite. Les yeux toujours fixés au sol, elle semblait réfléchir. « Je ne sais que te dire, » murmura-t-elle enfin. « Je suis si surprise de ce que tu me racontes. Jamais je ne me suis autant trompée sur quelqu'un que sur ton mari. Jamais je n'aurais cru qu'il fût un tel homme. Encore maintenant, après tes affirmations dont je ne doute pas, je peux à peine le croire. Je te plains beaucoup, ma petite Diane. J'admire le courage que tu as eu de supporter cela si longtemps. Ah, tu trouves, n'est-ce pas? Et tu me plains beaucoup, n'est-ce pas? Bien, moi aussi, je me plains beaucoup. Ah, la misérable qui... » Diane, qui avait jeté les derniers mots dans une explosion de colère, s'interrompit brusquement, se calma. « Je m'en vais, » reprit-elle d'une voix encore tremblante. « Je m'en vais, il est tard. Je t'ai empêché de sortir. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Au revoir. Je rentre chez moi. Mon mari attendait quelqu'un pour affaire. Il sera là. Je vais le retrouver. Si j'ai une explication avec lui, je te tiendrai au courant. Compte-y. À bientôt, ma chère, chère Geneviève. À bientôt. » Diane partit brusquement. Geneviève seule, alla se rasseoir devant la table où étaient ses lettres. Mais elle ne se remit pas à écrire. Elle s'accouda, resta immobile, pensive, le front sur sa main. Diane, en sortant de chez son amie, appela un taxi, se fit conduire chez elle. « Monsieur est là ? » demanda-t-elle le domestique. « Oui, madame. Monsieur est dans son bureau avec un monsieur. Très bien. » La jeune femme gagna sa chambre, quitta son manteau et son chapeau, prit un livre, s'assit sur un divan, attendant. Elle ne lisait pas. Un pli de colère barrait son petit front. 7 heures sonnèrent. Diane guetta un pas dans la pièce voisine. Elle s'étendit un peu sur le divan, son visage devint souriant. La porte s'ouvrit. Entra un homme jeune, brun, svelte, au train régulier et fin, aux yeux graves. « Bonjour, petit, » dit-il avec enjouement à Diane. « Comme tu es rentré de bonne heure. J'ai été retenu par ce bavard de Lefêtrier qui vient seulement de partir. Qu'est-ce que tu lis ?» Diane regarda vite le titre du roman qu'elle avait pris. « Les cœurs éteints de Palmer. C'est rasoir. Mais dis-moi, il faut que je te raconte. À propos de cœurs éteints, ou plutôt enflammés, dans le cas. Tu ne sais pas ce que j'ai appris aujourd'hui ?» Georges sourit avec indulgence. « Encore un potin passionnant ? Je ne sais pas si c'est passionnant, mais ce n'est pas un potin. » Elle prit un temps et brusquement lança. « Geneviève alors, je vais se remarier. » Georges eut un violent sursaut. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Je dis que Geneviève alors, je vais se remarier. » répéta Diane avec un doux sourire. « Se remarier, Geneviève ? Mais comment ? Avec qui ? Voyons, voyons. » Dans l'excès de sa surprise, Georges à loin bégayait. « Calme-toi, » dit Diane négligemment. « Ça n'a rien d'extraordinaire. Écoute. Elle est veuve, elle est libre, très libre. Elle va épouser Robert Vrany-Lebourg. Elle, Geneviève, va épouser impossible. Et je... Personne ne savait. Si, moi, nous sommes très intimes. Elle me fait toutes ses confidences. Mais elle m'avait fait jurer de n'en parler à personne, pas même à toi. Alors aujourd'hui, après que tu serais sorti, j'ai eu d'elle un coup de téléphone pour me demander de venir la voir. Et chez elle, elle m'a dit que la chose était décidée hier soir. Et qu'on pouvait en parler. Mais je pensais qu'elle le connaissait à peine. Beaucoup plus que tu ne crois. Agité, Georges allait et venait dans la pièce. Mais c'est impossible, répétait-il. Elle épousait Vrany-Lebourg, ce bel âtre, cet idiot, cette gravure de mode, ce snob qui n'a d'autre supériorité que d'avoir une énorme fortune. Eh, ça compte. Oh, voyons, pas pour une femme comme Geneviève. D'abord, elle est riche. Elle le dit. Mais en réalité, alors, je ne lui ai pas laissé un bien gros héritage. Il gagnait beaucoup d'argent, oui, mais il avait peu de fortune. Alors Geneviève avait bien dû se débrouiller. Se débrouiller ? Oui, se débrouiller. Ah, vous êtes vraiment naïfs, vous les hommes. Parce qu'une femme joue à l'intellectuel, prend des airs graves, fait semblant de planer, et vous marchez. Vous lui décernez des brevets de vertu farouches et désintéressées. Sois sûr que Geneviève est comme les autres. Il faut vivre. Ah, elle connaît à peine Vrany-Lebourg. Tiens, tu me fais rire. C'est-à-dire qu'elle arrive à ses fins, voilà tout, à se faire épouser. Mais depuis 18 mois, il est son amant, et l'entretient. Georges Alouin fit 2 pas vers sa femme. « Tais-toi, Diane » cria-t-il. « C'est indigne, c'est révoltant. Comment peux-tu ? d'aussi basse calomnie. Geneviève, une femme parfaitement honorable, ton amie, notre amie, je te défends. Et moi, je te défends de coucher avec elle. » Diane, dressée, soudain, devant son mari, avait jeté ces mots avec brutalité. « Qu'est-ce que tu as dit ?» balbutia Georges. « Je dis qu'elle est ta maîtresse depuis plus d'un an. Je m'en suis rendu compte à mille indices. Ton admiration, lorsqu'elle est avec toi, vos conversations littéraires et artistiques. Je n'ai rien dit. Voulant avoir une certitude, je l'ai maintenant. Je vous ai arraché l'aveu à elle comme à toi. Ah, vous n'êtes pas fin. Oui, cet après-midi, j'étais à la voir sous prétexte de confidence. Je lui dis d'abord que tu me trompais, et que je savais avec qui. Je l'observais, j'ai vu son trouble, son inquiétude. À ce moment-là, elle croyait que je savais. Alors j'ai fait semblant de vouloir tout dire, et je lui ai raconté que tu m'avais toujours trompé, que tu courais de femme en femme, les ramassant partout, que tu étais actuellement l'amant d'une danseuse de music-hall chez qui tu passais des nuits. Tu as dit cela de moi ? Elle eut un ricanement de défi. Oui, et j'ai fait attention qu'elle ne puisse pas s'apercevoir que je mentais. Je n'ai pas parlé des après-midi. Les soirs, quand nous ne sortons pas. Moi, je sais que tu es ici. Elle, elle ne le sait pas. Et si tu l'avais vue, tremblant de jalousie contenue, de chagrin exaspéré, si tu l'avais entendu dire avec dégoût. Lui, il est cela ? Ah oui, elle a avoué. Et toi aussi, tu viens d'avouer. Ta stupeur, ta douleur, ta rage. Quand je t'ai inventé cette histoire qu'elle allait se marier. Ah oui, les deux expériences sont concluantes. Elle s'arrêta, suffoquant de sa véhémence. Son mari, sans colère à présent, la regardait avec une stupeur presque épouvantée. « Tu as fait cela ? » articula-t-il enfin. « Tu es capable, sur des soupçons stupides, inexcusables, de ces calculs indignes, de ces mensonges, de ces basses calomnies, de ces trucages vulgaires. Et toi, tu es bien capable de me tromper ? » cria-t-elle, « et de me tromper avec ma meilleure amie ?» Il ne répondit pas, haussa les épaules, quitta la chambre, prit son chapeau, sortit. Il avait besoin d'être dehors, de marcher pour se dominer, réfléchir. Le long des rues qu'animait l'approche de l'heure du dîner, il allait s'en prendre garde à ce qui l'entourait, cherchant à boire lui-même, à comprendre nettement ce qui lui était soudain révélé. Tout à coup, il s'aperçut qu'il était devant la maison qu'habitait Geneviève Allorge. Il ne savait pas si c'était consciemment ou inconsciemment qu'il y était venu. Sans se préoccuper de l'heure tardive, il monta, sonna. Geneviève était chez elle, sans savoir pourquoi il en était certain. Elle le reçut aussitôt. « Je m'excuse de me présenter si tard, » dit-il, sans la regarder. « Je dois vous dire. »« Est-il arrivé quelque chose à Diane ?» demanda Geneviève avec froideur. « Je l'ai vue aujourd'hui très nerveuse et votre visite me fait craindre. »« Oui, je sais qu'elle est venue ici. » »« Elle était très malheureuse, très bouleversée, » continua Geneviève. Elle m'a fait des confidences auxquelles j'étais loin de m'attendre. Je vous croyais un excellent ménage. Ce qu'elle m'a dit m'a étonné et affligé pour elle et pour vous. Je n'ai pas à vous faire de reproches, mais comment un homme comme vous a-t-il pu descendre ? Ce n'est pas vrai ! Georges avait eu un geste vers la jeune femme. Ce n'est pas vrai, elle a menti, tout est faux, tout, de ce qu'elle vous a raconté. Je n'ai pas été cela, je ne l'ai pas trahi, je n'ai pas poursuivi de basses aventures, ce n'est pas vrai ! Geneviève eut un mouvement de joie aussitôt contenu. « Oh, » dit-elle, « je savais que cela ne pouvait être vrai. Vous le saviez ?»« Oui. » »« Il ne me semblait pas possible de m'être à ce point trompé sur votre compte. Diane est vive, impulsive, elle vous aime beaucoup. Les apparences l'ont égarée, sans doute. »« Non. » interrompit Georges. « Elle a menti sciemment. Elle m'a calomnié volontairement auprès de vous, comme elle vous a calomnié ensuite auprès de moi. »« Elle m'a calomnié, moi » qu'a-t-elle dit ? « Qu'importe, je ne l'ai pas cru, sinon peut-être dans la première minute de surprise. »« Mais pourquoi a-t-elle fait cela ?» Georges hésita un moment. « Parce qu'elle était jalouse, » dit-il enfin. « Elle a cru nous tendre un piège grossier, à vous d'abord, à moi ensuite, pour nous contraindre à avouer. »« À avouer quoi ?» Georges ne répondit pas. « Oh !» dit Geneviève, devenant rouge, « elle croyait cela, de nous. »« Et c'est pour cela ?»« Oui, c'est pour cela. » »« Elle a voulu nous rendre jaloux. » Et pour moi, elle y a réussi. Oui, en me disant ce qu'elle m'a dit, elle m'a appris que j'étais jaloux de vous. Elle m'a appris, ce que je savais déjà au fond de moi-même, sans me l'avouer, elle m'a appris que je vous aime. Ah, je puis vous le dire maintenant qu'elle agit ainsi. Elle m'a libéré par ses calomnies. Geneviève, je ne pourrais pas supporter l'idée de ne plus vous voir. Elle a voulu nous séparer, briser tout lien. Geneviève, voulez-vous vraiment ne plus jamais me voir ? Elle releva les yeux, qu'elle tenait baissés, le regarda en face et dit « Non ». Elle détourna son regard et ajouta « J'ai trop souffert depuis cette affreuse conversation. J'étais trop jalouse, moi aussi. À moi aussi, par l'éclairage de la jalousie, elle m'a appris brusquement que je vous aimais. Ah, elle a bien travaillé, Diane, avec sa sommaire stratégie. » Il y eut un petit silence. Chacun d'eux, sans le dire, songeait que Diane, à travers son erreur injurieuse et révélatrice, avait cependant, tout en ayant tort, eu raison, devinant la vérité d'eux-mêmes. Ainsi s'achève « Jalousie » par Frédéric Boutet.